16-21, activation orale. Vouloir, pouvoir. Répondez selon l'exemple. Vous entendez. 1. Nous pouvons vous accompagner? Et vous répondez. Oui, si vous voulez, vous pouvez. 2. Je peux t'accompagner? Oui, si tu veux, tu peux. 3. Robert peut nous accompagner? Mais oui, s'il veut, il peut. 4. Nous pouvons venir à Chartres avec vous? Oui, si vous voulez, vous pouvez. 5. Mes amis peuvent venir, eux aussi? Bien sûr, s'ils veulent, ils peuvent.